Section 4 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Élise. La lecture, tome 7e. Section 4, au boc, en passant, par Pierre Loti. Le jour se lève. C'est dans le golfe d'Aden. Une région éternellement chaude et une région de mirage. Devant nous, qui venons de l'Inde, sous un inaltérable ciel bleu, l'horizon est comme fermé maintenant, par des voiles lourds, d'un gris violacé et presque noir. Pour des yeux de marins exercés à connaître de loin les terres, il y a des terres là-dessous, assurément. Sans les voir, on les devine, à je ne sais quoi d'opaque et d'immobile qu'ont ces nuages. Il y a même plus que des îles, évidemment. On aurait beau n'en être pas prévenu, on s'en douterait. Ceci qui ternit le ciel par un tel amoncellement de vapeurs doit être massif, puissant, immense. On sent dans ces lointains les grands contours, les lignes infinies d'un continent. Un continent, en effet, est le plus profond, le plus immuable de tous, l'Afrique. On s'approche alors, au premier plan, se dessine et s'éclaire une espèce de falaise, droite, unie, monotone. Elle est en sable durci et raviné. Au soleil matinal, elle paraît d'une teinte rose, éclatante, sur ses fonds d'ombre intense. Par derrière, du côté de l'intérieur, le rideau obscur persiste, s'accentue. Des nuages, des montagnes sont là, brouillées, confondues dans du sombre profond. C'est comme une sorte de chaos trouble, où couvraient tous les orages de la terre. On suit des yeux la falaise miroitante qui est la première assise de ce sol. Elle s'en va à perte de vue, toujours la même, triste, inutile, morte. Et rien qu'en la regardant fuir, on a conscience de l'énormité de ce continent, des déserts à qui l'espace ne coûte pas. On a l'impression de l'immense Afrique, chaude et désolée. Il y a ça et là quelques broussailles, que l'on distingue en s'approchant davantage. Des arbustes ayant forme de petits bouquets, ronds, de petits parasols. La verdure en est pâle, tournée au bleu, comme par un excès de soleil qui aurait fané, et on les croirait transparents tant leur feuillage est léger et grêle. Le pays où nous arrivons est celui des Dankali, dépendant du sultan du Tadjoura, et en redescendant un peu, le long de cette côte, nous trouverons l'établissement français d'Obok. Il apparaît bientôt dans une vapeur lumineuse qu'agite sans cesse un tremblement de mirage. C'est d'abord une grande construction neuve, à véranda comme celle d'Aden, visible de loin, avec sa blancheur sur ses sables. Bâtie par la compagnie qui fournit du charbon aux navires de passage, elle est là, unique, un peu surprenante par son air de confort et de sécurité, au milieu de ce pays maudit. Ensuite, un enclos à murailles, de terre séchée, avec au milieu les débris, cornus d'une tour, on dirait déjà d'une ruine très ancienne, de quelques vieilles mosquées détruites. Et cela ne compte pas 3 ans d'existence. C'était la première habitation du résident français, construite en manière du donjon arabe, qui, une belle nuit de l'an dernier, s'est éboulée pendant une inondation, descendue tout d'un coup des montagnes d'Abyssinie. Un petit village, un hameau africain vient après. Il est du même gris doux que la terre et le sable. Il a été calciné par le même soleil. Ses huttes en paillasson, toutes basses, ressemblent à des nids de bêtes. De loin, on voit remuer là, comme d'étranges poupées, 4 ou 5 personnages en costume éclatant, robes de couleur rouge, orange ou blanche, d'où s'échappent de longs bras noirs. Puis d'autres, tout nus, qui ont des silhouettes de singes. Et enfin, là-bas, sur une espèce de cap, des maisonnettes bien neuves, avec des toitures de tuiles rouges, 10 ou 12 en tout, symétriquement rangées, ayant un air d'usine ou de cité ouvrière. C'est l'obok officiel, l'obok du gouverneur et de la garnison, qui détonne bien piètrement sur la désolation grandiose d'alentour. Nous mouillons en eau très calme dans ce qu'on appelle le port d'Obok. C'est bien un port, en effet, un abri sûr contre les houles du large. Mais on ne le dirait pas à première vue, car la ceinture de corail qui le protège est à fleur d'eau, traçant à peine un cerne verdâtre sur tout le bleu immobile de la mer. Nous sommes en l'un des points les plus chauds du monde. Il est 8 heures du matin à peine et on éprouve déjà aux joues, aux tempes, une sensation cuisante, comme si on était trop près d'un grand feu. Et il y a sur la mer, sur les sables rapprochés qui éblouissent, une terrible réverbération du soleil. Mais c'est une chaleur sèche, presque saine, si on la compare à ces humidités de chaudières que nous avons laissées derrière nous, en Cochinchine et en Annam. Les vents qui soufflent ici, d'où qu'ils viennent, ont passé sur les grands déserts sans eau de l'Afrique ou de l'Arabie. On sent que cet air est pur et, si l'on peut dire, vivifiant. Un court trajet en canot, sur une eau tiède, au-dessus d'un vrai jardin de madrépore, et nous mettons pied à terre, sur un sol rosé qui brûle. Puis, par un sentier de sable, nous voici sur une sorte d'esplanade dominant la mer, au milieu des maisonnettes à toit rouge, dans l'obok des Européens. L'habitation du gouverneur est au centre. On y monte par un perron en boue séchée, en mortier grisâtre, qui a une intention d'être monumentale, de représenter, pour les réceptions des chefs noirs. En haut de ces marches, le logis, qui n'a pour muraille que des barreaux, à jour, se dresse avec une prestance de cage à poule. Tous les vents peuvent passer au travers. Il y a en face 4 petits canons, une batterie pour rire, et un pavillon français qui flotte au bout d'un mât. Les autres cases, pareillement construites, à claire-voie, sont rangées avec symétrie de chaque côté de cette imposante demeure, et servent à abriter les 60 ou 80 hommes d'artillerie et d'infanterie de marine qui composent la garnison d'Obo. Une palissade enfantine est la défense de ce quartier des Blancs. On l'a faite avec ces arbustes en forme de parasol, les seuls qui croisent dans ce pays. Couchés, tels quels, à côté les uns des autres, par terre, comme une rangée de larges bouquets épineux. Dans cet enclos circulent des soldats alertes, empressés, qui s'occupent pour l'instant de préparer leur repas du matin. Ici, ce ne sont plus les figures tirées et pâlies que nous avions coutume de voir en Cochinchine ou au Tonkin. Ces hommes ont bonne mine, coiffés, tous d'un casque blanc, à peine vêtus d'une brassière sans manches. Ils gardent un air de santé sous leur halle de soleil, leurs bras nus ont bruni, comme ceux des bédouins. Ils font leur cuisine, épluchent de vraies salades, de vrais légumes, qui étonnent dans ce pays d'aridité absolue. Ils ont réussi à faire un jardin, paraît-il, qu'ils arrosent et où tout cela pousse. Des négrillons gambadent au milieu d'eux, familièrement. Des petits êtres croisés d'arabes ou d'indiens, qui ont des yeux allongés, des lèvres fines et de jolis profils. Cet obok a presque un air de vie. Un ravin de sable sépare ce quartier militaire du village africain, qui nous paraît très augmenté depuis une année. Et pourtant, d'où viennent-ils ces gens? Par quel chemin? À travers quelle solitude ont-ils passé pour se réunir ici, quand il n'y a si loin alentour que d'inhabitables déserts? Il est certain qu'un centre minuscule de transactions cherche à se former à Obok. C'est presque une petite rue à présent qui s'ouvre et se prolonge devant nous, toute inondée de lumière, toute dévorée de soleil entre deux rangées d'une vingtaine de cases ou de tentes. Il y a même à l'entrée une maisonnette avec de vrais murs, construite à la mauresque, et un débit d'absinthe qu'un colon européen, l'unique du pays, a déjà ouvert à l'usage de nos soldats. Le reste n'est encore composé que de ces huttes indigènes si basses qu'on en touche le dessus avec la main. Elles sont soutenues par des morceaux de bois noueux qui ressemblent à de vieux ossements, à de vieilles jambes torses. Toujours les branches de ces mêmes arbustes qui ont fourni la palissade du gouverneur et recouvertes de paillasses sont cousues les uns aux autres, comme des locs rapiécés. Le sol est piétiné, battu, mêlé de détritus qui pourrissent et se dessèchent. Il y a en l'air des légions de mouches. À notre rencontre arrivent 2 jeunes femmes noires, aux lèvres minces, souriant d'un sourire faux et méchant. Des madames d'Ankali, nous dit en manière de présentation, un petit nègre qui passe. C'est pour nous vendre la peluche fraîchement écorcée d'une panthère, que l'une d'elles porte sur l'épaule. Elles ont de singulières têtes, ces madames d'Ankali, et nous font des mines de moqueries sauvages, avec leurs yeux vifs qui roulent. Au soleil, on voit leur peau luire comme de l'ébène frottée d'huile. Le long de cette rue, ce ne sont que des petits cafés, petites échoppes. Sous chacun de ces paillassons, quelque chose se boit ou se trafique. Et le tout a un air d'improvisé. de caravansérail, de marché africain qui commence. Café à l'arabe, on le boit dans de très petites tasses à portée d'Aden, en fumant dans de très grands narguilés de cuivre, d'une forme monumentale, où l'on consomme des pastèques roses et des cannes à sucre. Boutique en extrême miniature où tout le fond et l'étalage tiennent sur une table à casier. Un peu de riz dans un compartiment, un peu de cannelle, un peu de safranum, un peu de gingembre, puis des petits tas de graines bizarres, de racines inconnues. Et le même marchand vend aussi des turbans en coton, des costumes à la mode d'Égypte et des pagnes d'Éthiopie. Acheteurs et vendeurs, 200 vendeurs au plus, appartiennent à toutes sortes de races. Nègres très noirs, frisés, luisants, au torse nu, à l'attitude superbe. Arabes à grands yeux peints, vêtus de blanc, de vert, clair ou de jaune d'or. Hommes fauves, longs et minces, au cou de cigogne, à profil de chèvre, ayant de longues chevelures teintes en blanc roux, qui tranchent sur leurs épaules, comme une toison de mouton mérinos sur du bronze. Dankali, portant des colliers de coquillages, et deux ou trois malabars égarés, jetant dans ce mélange un souvenir de l'Inde voisine. Au fond de ces petites niches en paille, qui sont des cafés, ces hommes s'asseyent pêle-mêle pour jouer, pour boire. Les uns s'amusent au dé, d'autres ont choisi un jeu plus simple, du désert, qui consiste à tracer par terre sur le sable des combinaisons de lignes. Deux nègres tout nus, ornés de gris-gris, font avec feu une partie de piquet, en frappant très fort leurs atouts sur la table. Ils ont de vraies cartes qui étonnent entre leurs mains sauvages. À côté d'eux, trois autres se livrent à un aussi surprenant domino. Ils appartiennent, ceux-ci, à l'espèce des hommes minces et fauves qui se blanchissent la chevelure. La leur est couverte en ce moment de la composition des colorantes qu'ils enlèveront demain pour être beaux. C'est comme un mortier qui forme une croûte épaisse sur leur tête. On dirait la chaux dont on enduit les momies. Au-dessus de ces joueurs, les paillassons du toit font à peine un peu d'ombre. Le soleil, le terrible soleil, passe au travers comme par les mille trous d'un crible. Et autour des petites huttes surchauffées à perte de vue, tout flamboie, tout brûle dans l'immense Afrique. On est vite au bout de ce village. Alors on arrive à quatre cases, les dernières, un peu isolées des autres, sur une dune. C'est le quartier des Dames Galantes. Elles sont là, 8 ou 10, assez belles, Abyssine, Somali ou Dankali, attendant sur leur toit de natte. Vêtues de longues robes rouges, les chevilles et les poignets ornés de lourds anneaux d'argent, elles se tiennent au guet, l'air moitié mystique, moitié féroce, très dignes dans leur impudeur noire, s'acquittant de leur métier comme d'une fonction religieuse, et pour une pièce blanche, accueillant avec le même beau sourire de tigresse le soldat français, le bédouin qui passe, ou le nègre à gris-gris. Après ce quartier, c'est fini. Par exemple, tout de suite, le désert commence, profond, miroitant, plein de mirages, sinistre avec son soleil qui tue. Il y a bien encore par là, dans un repli du terrain, quelque chose d'un peu vert. Le jardin, le fameux jardin que les soldats entretiennent à force de soins et d'arrosage. Autrement, plus rien. Nous avons devant nous cette région vide qui, sur les cartes, porte le nom de Plateau des Gazelles. À l'extrême horizon, du côté des terres, toujours ce même rideau de nuages et de montagnes bornant l'étendue désolée où nous sommes. Très hautes sans doute ces montagnes qui se dessinent, là-bas, partout en silhouette entassée. D'autant plus confondues avec les obscurités du ciel, d'autant plus noires qu'elles sont plus loin, dans ces zones intérieures où les hommes blancs ne vont pas. Et ces fonds qui se maintiennent aujourd'hui, si sombres, font ressortir davantage l'éclat doré des sables. L'éblouissement des premiers plans. À mesure que nous nous avançons sur ce plateau des gazelles, le tout petit Obok avec ses tuiles rouges et ses trois maisons s'abaisse dans le lointain, s'efface, disparaît. La plaine lumineuse et morne s'agrandit uniformément autour de nous. La mer aussi est hors de vue. Cependant, le sol est toujours semé de rameaux de corail et de coquilles roulées, pour les naturalistes, des strombes à bouche rose. On dirait un fond sous-marin qu'une énorme poussée d'en bas aurait amené en plein soleil. Il y a, çà et là, quelques touffes d'herbes roussies, quelques plantes bizarres, d'un vert extrêmement pâle. Comme si l'excès de soleil en avait mangé la couleur. Et puis, de distance en distance, posés comme pour faire jardin anglais, de ces chétifs arbustes en forme d'ombelle, au feuillage ténu et clair, comme nous en avions déjà vu du large. Espèce de parasol d'épines penché à droite ou à gauche sur leur tronc frêle. C'est un mimosa triste, l'éternel mimosa des solitudes africaines. Le même qui croît dans toutes les régions arides de l'intérieur. Jusque là-bas, de l'autre côté des grands déserts, dans les sables du Sénégal. Un mimosa qui ne produit rien, ne sert à rien, ne donne même pas d'ombre. Quels hommes peuvent nourrir une terre pareille? Ceux-ci, évidemment, ces êtres sveltes et fauves, à l'air félin, au regard sauvage, qu'on nous a désignés tout à l'heure dans le village de Bok comme étant les Dankali indigènes. Ils sont des personnages cadrants bien avec leur pays. Ils y vivent errants, clairsemés, au milieu des sables ou des alliés, et l'éternelle chaleur semble avoir desséché, affiné le corps comme celui des gazelles. Nous en croisons quelques-uns qui arrivent des contrées de l'intérieur, avec un léger bagage sur le dos. Et un autre groupe de Madame Dankali s'arrête à nous, comme tout à l'heure, avec les mêmes faux sourires ouverts, sur de belles dents blanches. Encore une pelure de panthère qu'elle déroule pour nous la vendre. De loin en loin, dans la plaine, des gens sont campés, tout au ras de la terre brûlante. On se courbe, comme les bêtes, pour entrer dans leur hutte. Ils se tiennent assis là, ayant avec eux des anons, des outres en peau, des gris-gris, des sabres et des couteaux d'une forme méchante. Immobiles, oisifs, venus dans leur direction de Bok pour trafiquer, peut-être seulement pour voir. Leur accueil est inquiet et inquiétant. L'entrevue, de part et d'autre, est pleine d'étonnement et de méfiance. Il est maintenant 11h du matin. Avec ces mirages, cette réverbération des sables, tout miroite et tremble. Une clarté aveuglante monte de la terre. Nous voyons de loin deux ou trois amas de choses très blanches qui tranchent sur la plaine rousse. Est-ce un peu de neige tombée là par miracle? Ou bien de la chaux? Ou bien des pierres? Mais non, cela remue. Alors, des hommes en burnous? Ou des bêtes? Des gazelles? Des chevaux? Cela ressemble à tout ce qu'on veut, même à des éléphants blancs, car on n'a plus la notion complète des distances ni des grandeurs. Toutes les choses un peu lointaines sont déformées et changeantes. Tout simplement des moutons. Des moutons drôles, d'une blancheur extrême, avec la tête bien noire et la queue élargie en éventail, comme ceux d'Égypte. Rares troupeaux qu'on envoie dans le jour brouter je ne sais quelle herbe et que l'on se hâte de ramener vers le village de Bok, au coucher du soleil, avant l'heure des bêtes fauves. Ce sont les derniers êtres vivants que nous rencontrons en continuant de nous éloigner dans l'immense plaine. Bientôt midi. À cette heure, les hommes blancs ne sortent jamais. Il faut notre imprudence, à nous qui arrivons et qui nous voulons voir. Nous sentons sur nos épaules, à travers nos vêtements de toile blanche, une impression cuisante de brûlure. En marchant, nous ne projetons plus d'ombre. À peine un petit cercle noir qui s'arrête à nos pieds. Le soleil est juste en haut du ciel, au zénith, et tout son feu tombe verticalement sur la terre. Nulle part, rien ne bouge, tout est mort de chaleur. On n'entend même pas ces musiques d'insectes qui, dans les autres pays du monde, sont les bruits persistants de la vie durant les midis d'été. Mais toute la plaine tremble de plus en plus, tremble, tremble, d'un mouvement qui est incessant, rapide, fébrile, mais qui est absolument silencieux, comme celui des objets imaginaires, des visions. Sur tous les lointains est répandue une indéfinissable chose qui ressemble à une eau mouvante ou à une étoffe de gaz remuée par le vent, et qui n'existe pas, qui n'est rien qu'un mirage. Les mimosas, éloignés, prennent des formes étranges, s'allongent ou s'étendent, se dédoublent par le milieu, comme reflétés dans cette eau trompeuse qui envahit les sables, sans faire aucun bruit, qui s'agite sans qu'il y ait dans l'air aucun souffle. Et tout cela étincelle, éblouit, fatigue. L'imagination est inquiétée par le grand resplendissement triste de ce désert. Au fond, il y a toujours ces montagnes sombres sous des amoncellements de nuages lourds. De ce côté, tout finit en une espèce de désolation indécise, ténébreuse. La vue se perd dans les profondeurs noires. C'est l'intérieur de l'Afrique qui est derrière ses obscurités et ses orages. Fin de la section 4.